100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Et c'est parti pour la nocturne, première nocturne de l'année 2015. Fabuleux est là, les filles sont là. Et vous aussi, envoyez les messages 41759 avec le hashtag Skyrock. C'est parti pour deux heures de son 100% rap français. Peut-être qu'on finira tout à l'heure avec une session classique. Petite session classique. En tout cas, on est bien chaud, nous, en direct à minuit 2, juste après le retour de D-Fool. Et loupez pas, hein, le retour de D-Fool, 6h-9h, ce sera lundi matin, avec la bagnole à choper sur Skyrock et puis la radio libre. Et là, c'est parti, deux heures de son 100% rap français. On va débuter avec une grosse exclue. Merci à Joke, j'en passe une aussi à Monsieur Omar Digno. Le morceau s'appelle Amidala, c'est sur le prochain projet de Joke qui arrive justement pour 2015. On va débuter avec, après il y aura du son de Gradure qui a balancé un freestyle il y a quelques heures de cela sur le net pour vous remercier des votes Planet Rap. Vous étiez 200 000 à voter et à élire Gradure dans la révélation de l'année 2014. Je vous passerai ce freestyle juste après. Il y a plein de sons de prévus, bougez pas, on va être bien, on va être ambiancé. Prêt, coup d'envoi. Allez, Planet Rap, 100% rap français, avec Joke dans la nocturne 100% rap français. Aga, aga, yeah, aga, aga, aga, aga, aga, let's go, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga. Aïe aïe aïe. Aga, aga, aga, aga. Le prince m'a genou à Midala. Je rentre dans ton libolo à Lingala. La vie c'est une pute négro, puis moi là. Puis moi là, puis moi là, puis moi là. Dans ma tête y'a des gens qui se baladent. Elle est en sachet, elle est inhalable. Nous on vend la trace qui te fige la face. On te fume à la chasse, on te pique ta place. File la maille avant que ta famille ramasse. Qui guérit comme elle, comme on te yamasse. Je sors mon poireau, Lady Dallas. Je tape son gros cul comme une piñata. J'ai plus de mojo que Frank Sinatra. Tu vends pas ton skud, même au prix d'achat. J'arrive dans ta gueule comme un petit crachat. T'en vas te faire sucer par un piranha. Des affiches partout, on m'acquipe un ami. Casse à tout, casse à la vie, c'est le mythe. Assassin, j'assassine, poudre dans la bassine. Et remplis la balle, rien n'est gagné, classé ni classa. Bisous dans le cou, Nathalie, bye. J'ai fait un câlin à l'animal. Que des sales joints dans le calepin. Je rentre beaucoup, je déclare rien sur les nerfs. Aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga. Trop facile pour les gros, MGK, Blomé. Aga, aga, aux yeux de ces nerfs, j'suis comme Tesla. Où tu comptes aller avec ces fesses là? J'suis déjà passé là où tu seras. Tu la suces pas, sache qu'une autre biche la sucera. Horlogerie suisse à mon poignet. Pulcra à mes heures. Vaut mieux être bien calibré que mal accompagné. Quand tu m'aperçois, garde la bouche fermée, nègre. Internet va tous nous faire interner, nègre. Passe-moi ta biche, passe-moi ton blé, nègre. J'ai les couilles vides, des femmes comblées, nègre. Prête allégeance quand j'entre dans ta contrée, nègre. Toute sous le nez, j'suis genouné, nègre. Fossé sous port doumé, nègre. Gros gamos pour doubler, nègre. Osiris dans orifice auditif. Intouchable comme une tire en positif. Je pisse sur vos lois, sur votre politique. Tant que j'ai toutes mes facultés cognitives. Mes ancêtres disent que l'espace est liquide. Ta descendance dit que mon organe est rigide. Ma reine, je l'attrape, je la coupe. Même si elle est une et indivisible, négro. Aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga, aga. Rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Ok, mes chéguets, voilà, on est en 2015. Jeudi 1er janvier, 15h45. Bonne année à tous, mes chéguets. Révélation de l'année 2014. Je vous remercie. Pour vous remercier, on va vous faire un petit freestyle en léger, en attendant le mogul. Ça arrive. C'est léger. C'est léger. Et c'est léger. Révélation Planet Rap de l'année. Listen to the track. beat. Je reste toujours le même depuis l'époque des Bob Costa. Débarque chez les bleus, on fout la merde comme Diego Costa. Tu es arrivé un peu tard dans le game, un peu comme Drogba. Pique sa mère négro, je leur mets la putain de frappe à Pogba. À Pogba, des terres au combat. Ma vie s'éclaircit comme la peau de Fally Poupa. Bientôt l'album, petit fils de bourge, tu vas l'acheter ou le télécharger. Dans tous les cas, je m'en branle car je continuerai à faire des cheveux pour mon cachet. Mets du verre dans mes sachets, lunettes, bidon, ouvert sachet. Dans le cul de ta soeur, on est passé, casé, allez hop, on va cracher. La crime n'y redonne pas mal, boum, chante, ça va faire mal. Casse-tête à mes chèques et de rouper à elle. Mais que les crochets comme un Adem, Ténor fort, Adem, NPR, c'est ça le thème. Lui la met dans son flot, on rappelle, c'est ça que j'aime. Enculé, enculé. Va leur dire à tous ces bâtards qu'on est pas bornés. Le mot Bob il arrive 2015, il cassera des gueules. On fait peur à tous tes piliers, ouais bah ouais mon nigger. Ton choix un nigger, 5-9 mon nigger. Fais des rafales de fleurs, j'dis que de la merde. J'm'en bats les couilles mon chégué, car même ta pute bouge la tête. J'appelle mes frères au heps, ils traquent sur du gravure. Et j'appelle mes frères au Tex, ils pétèvent des gros jointures. Bah ouais, chez gay en léger, on fait kiffer la hure. Et même le fils de bourge dans 16ème, ils kiffent en sniffant de la pure. Et ils kiffent en sniffant de la pure, bah ouais, ils kiffent en sniffant de la pure. Ils kiffent en sniffant de la pure, ils vont acheter l'album de gratuit. Tu freestyle, enculé, 2-0-15, l'album arrive. Ok. En léger, Panakini, Manapoto, album Ezoya, Bacalamiguité, hein, 243 toujours, Odon Matisse Mboka, hein, ok, l'album il arrive bientôt, Rosella, Mayanaki, hein, tout le monde a pas vrai chéqué, pas vrai Kouluna, hein, Oyevi Kakako, hein, Kofi Olomide, Papa Wemba. Ready à Miss. Bah ouais mon frère. C'est le pays mon pote. S'en branle du reste. 243 jusqu'à Dej. Hein. Chez Squad. Non mon Bob il arrive. Mes rebeux, mes négros, mes babtous. Mais nous à Chimène. Ça arrive. De 015. Eh hey, monsieur le colonel. Hein, du 40. Je peux garder ma pesette et ma peu enculé. Fous la poids dans le cul. Je me lève plus à 6h du matin maintenant. Je fais des grasses maths, enculé. Vive le rap. Fuck le rap game. Check it. Rap français. 100% explicit lyrics. La nocturne. Qui a laissé ses chiens sans vaccin venir au monde. La rage parce que je passe sur les ondes. Puis que je suis coté comme la Joconde. Je dérive comme un Khmer rouge sur le Mekong. Chez nous la paix finit à walper dans les comptes. Reconte encore, vas-y, reconte. Les bons amis font des bons comptes. Genre le gamos du parking. Prolique et fermeture centralisée. Le feu rouge donne raison au carjacking. Je leur mets à la hussard donc pas de vaseline. Ton rappeur est un gangster déguisé. Aussi nul qu'un pénalty dévissé. Je connais ma leçon car j'ai révisé. Y'aura jamais de négro à l'Elysée. Leurs équipistes sont à profusion. Et leurs toits ont toute la chenille en fusion.

pas vu. Mon clock te mettra à genoux. Mon clock te mettra à genoux. Mon clock te mettra à genoux. Je relève les comptes et tu vois des sous. Mon clock te mettra à genoux. Mon clock te mettra à genoux. Mon clock te mettra à genoux. Bastos dans leur mer, ouais. T'as frappe, t'as frappe, t'as frappe. Bastos dans leur mer, ouais. T'as frappe, t'as frappe, t'as frappe. Bastos dans leur mer, ouais. T'as frappe, t'as frappe, t'as frappe. Bastos dans leur mer, ouais. T'as frappe, t'as frappe, t'as frappe. Bastos dans leur mer, ouais. T'as frappe, t'as frappe, t'as frappe. Bastos dans leur mer, ouais. T'as frappe, t'as frappe, t'as frappe. Bastos dans leur mer, ouais. T'as frappe, t'as frappe, t'as frappe. Bastos dans leur mer, ouais. T'as frappe, t'as frappe, t'as frappe. La planète rap nocturne sur Skyrock. Nocturne. Mac Taylor, 2015, il débarque avec un album. Il est avec Bigou sur ce freestyle intouchable. Le balafré m'envoie du sale, donc obligé de faire du sale. Le balafré m'envoie du sale, donc obligé de faire du sale. Hier, ça avait tiré sur Watch, on n'attendait pas plus que ça. Le balafré m'envoie du sale, donc obligé de faire du sale. 2,25 la cala, faut bien la rentabiliser. Si tu m'as pris pour les autres rappeurs, c'est que tu m'as mal analysé. Ce négro m'embrouillé en boîte, mais t'inquiète, je l'ai localisé. Demain je pète sa porte comme devant sa mère, on va le brutaliser. Moi je vends toujours sa substance qui n'est pas légalisée. Toi les keufs t'ont pété bêtement dans une voiture banalisée. N'essaie pas de me la mettre à l'envers, bébé, j'ai déjà le cœur brisé. Ouais, bébé. Si j'essaie de m'approcher de la prière, c'est pour me stabiliser. Ouais, bébé. Mais putain, elle est trop bonne pour me canaliser. T'as trouvé le fou sur la canapée, devant la paralysée. La concurrence atomisée, gros, avec moi faut pas rivaliser. Chaud, à l'ancienne, quand tu rentrais dans une banquette, c'était pour la dévaliser. Le balafré m'envoie du sale, donc obligé de faire du sale. Le balafré m'envoie du sale, donc obligé de faire du sale. Hier, ça avait tiré sur Watch, on n'attendait pas plus que ça. Le balafré m'envoie du sale, donc obligé de faire du sale. Depuis l'adolescence, ma vie c'est que du rap et de la délinquance. Si deux trois gaillards veulent me gaze, j'perds pas mes couilles, je pense à la vengeance. La haine j'ai grandi avec, mon flow vient toujours de Namek. Si l'argent me court après, c'est pour vous montrer qu'on peut faire de belles choses avec. Investir au bled, les voyages, baiser les plus belles femmes, mettre ma famille à l'abri de la pluie. Je vois dans le ciel des avions qui bombardent. Faire un enfant dans l'amour, c'est rare, c'est pour la conduite parentale. Ne me convainc pas à tous ces rares qui n'ont même plus la mentale. Dans les larmes de nos mères, c'est la noyade, mais je garde l'instinct de survie. J'en ai fait des choses incroyables, à se demander comment je suis en vie. C'est juste au Très-Haut, c'est juste Allah, sa miséricorde me protège du mal. Les Occidentaux déversent beau là pour que l'Afrique reste derrière Obama. Moi je parle vrai, toi tu parles faux, tu t'es tourné frère. J'suis pas l'homme parfait, mais si j'ai l'oseille, j'peux te prendre dans le vrai. J'ai plus confiance en personne, même mon homme ne suit plus mes gestes. J'ai plus de 15 piges dans ce rap de merde, sans jamais retourner ma veste. Le balafré m'envoie du sale, donc obligé de faire du sale. Le balafré m'envoie du sale, donc obligé de faire du sale. Hier, ça avait tiré sur Watch, on n'attendait pas plus que ça. Le balafré m'envoie du sale, donc obligé de faire du sale. Les Péruviens ramènent la pure, donc obligé d'inonder le terrain. Les coffres sont pleins, l'oseille n'attend pas, faut se lever tôt le matin. Ça carotte, c'est pour ça qu'ils partent tous de cuisine. Ça zozote, ça zozote, dès que tu leur cales un date avec l'usine. Ils partent tous de se taper, pourtant on sait tous que c'est des tapettes. Tu sais on devrait tous les mettre en levrette, le clash aujourd'hui ça peut faire recette. Ouais ma gueule. Quand je tire c'est toujours précis comme un mec de trap. C'est du rap et des sables, c'est ce que j'ai dit à la jappe. Elle m'a dit tiens toi ça, note ton destin des rap et je m'en tape. Je vais leur faire du sale. En sortant du dépôt je me tape un comico. Faire du sale. Je me mets sur leur côte, en boîte chez eux je leur sucerai les os. Faire du sale. En duo, en trio, toujours un gun dans la cage de la Clio. Faire du sale. Dans le game y'a trop de gringos, faites de la place à l'équipe à Pequeno. Le balafré m'envoie du sale, donc obligé de faire du sale. Le balafré m'envoie du sale, donc obligé de faire du sale. Hier, ça avait tiré sur Watch, on n'attendait pas plus que ça.

brut maintenant. Quand tu rappes, tu sais lampadaire. On n'a pas le même niveau, mais ils me veulent quand même en fit, ils ne manquent pas d'air. Je ne me mélange pas à vos diarrhées. Fallait pas m'inviter, bande de tarés. Je viens d'une autre planète, car la tienne est ronde. Moi j'ai l'habitude de faire les choses carrées. La danse de la rafale, le livre de la rafale, la danse de la rafale chante. Le nouvel livre de la rafale, la danse de la rafale, le livre de la rafale. Prenez vos fils, vous ne vivez pas ce que vous racontez, vous relatez. Pour faire des feats avec vos têtes d'affiche, vous êtes obligés de raquer. Ils vendraient leur mère pour qu'on diffuse leur clip, remplis d'armes sur bouscapé. Et quand ça parle d'être contraint de pieds poignants, il n'y a plus personne pour se taper. Ils ont tout vu, ils ont tout fait. Ils ont tiré, mais ils n'ont jamais touché. T'inquiète pas, la selle, c'est une fille bien. Elle a sucé, mais elle n'a jamais couché. Au passage, poupée, poupée, tu m'as fait un sale coup à la Nadal. Je te pensais vierge, mais j'ai appris que tu ne pratiquais que l'anal. Quand je rappe, tu sais le soleil. Quand tu rappes, tu sais le lampadaire. On n'a pas le même niveau, mais ils me veulent quand même en fit. Ils ne manquent pas d'air. Je ne me mélange pas à vos diarrhées. Fallait pas m'inviter, bande de tarés. Je viens d'une autre planète, car la tienne est ronde. Moi j'ai l'habitude de faire les choses carrées. La danse de la rafale, le livre de la rafale, la danse de la rafale chante. Le nouvel livre de la rafale, la danse de la rafale, le livre de la rafale, la danse de la rafale chante. Le nouvel livre de la rafale. Je change de flow comme je change de slip. Je ne suis pas rappeur crasseux. Les concurrents se sont tous noyés. Heureusement qu'à l'école j'ai nagé la brasseuse. Pour un featuring, nombreux seraient prêts à me rouler une pelle. Mais vos propositions ne m'intéressent pas, je n'en ai accepté aucune d'elles. Je crois que je vais passer mon diplôme de professeur pour vous apprendre à bosser. Le prochain qui ne rappe pas dans les temps, je lui allume sa mère, on a de quoi t'arroser. Je serais prêt à sucer plein de zizi poilu pour entrer dans le top 10. La rumeur dit que pour percer, tu t'es mise à quatre pattes pour te faire péter le coccyx. Quand je rappe, tu sais le soleil. Quand tu rappes, tu sais le lampadaire. On n'a pas le même niveau, mais ils me veulent quand même en fit. Ils ne manquent pas d'air. Je ne me mélange pas à vos diarrhées. Fallait pas m'inviter, bande de tarés. Je viens d'une autre planète, car la tienne est ronde. Moi j'ai l'habitude de faire les choses carrées. La danse de la rafale. Couple son, couple son. Qu'est-ce que c'est ça, hein? Comment on peut danser? On dirait des gens qui ont reçu les résultats du brevet blanc, hein? Donne-moi ça, donne-moi ça. Ça manque de symétrie quand vous dansez, hein? Vous manquez des globules blancs, quoi. Comme ça, suivez-moi. Allez. La danse de la rafale, il faut un peu de, tu vois, de feeling. Allez. La danse de la rafale, le livre de la rafale, la danse de la rafale chante. Le nouvel livre de la rafale. La danse de la rafale, le livre de la rafale, la danse de la rafale chante. Le nouvel livre de la rafale. Ton instru, je l'ai giflé. Coup droit, revers, patin à la canta. La détonation provenant du 91, c'est moi, je n'étais pas à l'attentat. À 86, je fais crier la boîte 6, direction remis. Là-bas, j'ai mon petit frère, Viva, Riva. Tu le touches et je t'encule, je te l'ai promis. On danse le Nobolo, yeah. Aussi la danse de la rafale, yeah. DJ Hamzi est au platine. Non, ce n'est pas DJ Arafat. Putain de casse des deux petits frères qui lèvent leur bec à Nancy. Je proviens d'où pour une dette de 1000 E. Ces séquestrations garanties. La danse de la rafale, nouvel livre de la rafale, la danse de la rafale chante. Le nouvel livre de la rafale. La danse de la rafale, nouvel livre de la rafale, la danse de la rafale chante. Le nouvel livre de la rafale. La danse de la rafale. La danse de la rafale, gauche, droite, la danse de la rafale, Bina, Bina, la danse de la rafale, Black Brut, Black Brut, Joe Watt à la boîte, à la boîte. La danse de la rafale. C'est la nocturne 100% rap français. La danse de la rafale. Monsieur Black Brut. La danse de la rafale. La danse de la rafale. On va se faire un de ces petits morceaux aussi, Black Brut. Yes, chef. Avec Cozy. Yes, chef. Avec Gradure. Et après, promis, je vous balance ce son de poison.

La Nocturne. Qui foutait de notre gueule. Poison. Portait du Versace. Roi du Zaïre. Pantalon en cuir. Le clip arrive lundi. Et aujourd'hui tout le monde porte des pantalons en cuir, ma gueule. C'est la Nocturne 100% rap français. Nocturne qui continue avec monsieur Phileas Flo, mademoiselle Mistone qui est dans les locaux, le 4-5 et Oginda. Oginda Mohoney dans la Nocturne 100% rap français. C'est ce qu'on va écouter maintenant sur Skyrock. À découvrir tout de suite, 100% rap français. 100% rap français. Planète Rap. La Nocturne. Regarde où on en est. Le hip-hop dénaturé, plus de conscience, plus de tech, plus de messages engagés, sauf celui d'acheter. Tous MC intéressés, les mecs slash ou Dr. Dre, ils sont tous trop lourds, mais pas au sens figuré. Ils ont remplacé les majors pour produire des talents, de la thune encore, la pas du gain, dire de la merde aux gamins. Aujourd'hui c'est leur gagne-pain, salaud des Ferrari dans les peuclis, s'affichent avec des modèles en bikini. Grâce à ton argent petit, se font leur fortune sur votre dos. Reprends ta barrière pour enfoiré gros, ça clash pour du buzz, ça buzz pour du cash. Le pire c'est que ça marche, non vous n'êtes pas fashion. Confiant qu'avec une main sur le gun, poser des jeux de mots de beauf pour eux, c'est devenu fun. Ils se croient tous au summum, oui celui de la connerie. Hypocrite. Ils vous mentent tout le temps, disent qu'ils sont là pour vous mais ce n'est que du vent. Des hypocrites. Ils ont le cœur bien vide, ne pensent qu'à vendre comme si ils dealaient de la weed. Des hypocrites. Qui assument cette merde, qui passent sur les ondes, à cause de eux le rap est dead. Des hypocrites. Ceux qui suivent la tendance, c'est à cause de que le rap s'est transformé en dance. Boycott name, c'est ce qui nous fige. Soundboy, c'est quoi ton place déjà? Avec des phases classes, tu nous figes. Nous rap à plus, je dis ça, t'es la louja. T'as fait quoi pour hip-hop, à part travestir en pop? Stop, refrain les anciens stress, fume, club sur club. Skyrock, premier sur le rap, pourtant énergie, vibration, sans les mêmes hits, regarde leur fit. Le rap c'est tellement ouvert qu'il en fait le grand écart. Au début, un bon départ, mais à l'arrivée, les M6 deviennent des comptes états. Ça parle toujours des mêmes gens, et pourtant, j'ai eu joueur d'MC doué aux quatre coins de l'hexagone, mon souhait qu'un jour on leur donne la chance. Si je pouvais, je les mettrais tous en avant. Pas comme ces hypocrites qui font style de les aider, mais lors du succès, on vite fait de les oublier. Des hypocrites. Ils vous mentent tout le temps, disent qu'ils sont là pour vous mais ce n'est que du vent. Des hypocrites. Ils ont le cœur bien vide, ne pensent qu'à vendre comme si ils dealaient de la weed. Des hypocrites. Qui assument cette merde, qui passent sur les ondes, à cause de eux le rap est dead. Des hypocrites. Ceux qui suivent la tendance, c'est à cause de que le rap s'est transformé en dead. Dédicace Orléans. Si tu veux de la pure, tu veux de la rime, j'en ai de la bonne. Je parle pas coke pour tes narines, je buzz pourtant j'ai pas d'album. Tu veux percer dans le rap, dis-moi comment tu tiens ton beat. J'ai mangé quelques wacks, j'ai un texte, j'ai un jab dans le beat. Moi je nique les macaques, j'ai l'emprise et le mic, j'en prenais les claques. J'enculais les gommes et les keufs qui pensent que j'ai pété les plombs. Pour Mega G et Mega Joe, trop de gâchis, j'ai les gâchos. Rap sans gadget, au coup de machette qu'il faut cachette. Goûter le flow, fluide comme une chatte qui mouille les mecs. Bande mon trou, c'est pas un boys band. Star pas saisi, rembobine la bande. Check ces salopes qui se contredisent. Monde à contrebande de comédie, produit gang bang. Du rap en vente peu comestible. Mon rap, c'est la médecine que je prescris. Je connais ta meuf et sans que le mic, on peut dire que je suis presque bi. Arrête le rap, t'es gros, t'es naze, arrête. J'ai plus du flow, mais de l'eau bénie, j'bénis les MC comme Jésus de Nazareth. Ils vous mentent tout le temps, disent qu'ils sont là pour vous mais ce n'est que du vent. Des hypocrites. Ils ont le cœur bien vide, ne pensent qu'à vendre comme si ils dealaient de la weed. Des hypocrites. Qui assument cette merde, qui passent sur les ondes, à cause de eux le rap est dead. Des hypocrites. Ceux qui suivent la tendance, c'est à cause de que le rap s'est transformé en dance. Planète Rap, 100% rap français. Rams, La Nocturne. RAM apostrophe S. RAM apostrophe S. Pour la Nocturne de Skyrock. 94. Big up à Fred et bonne année à tous. Ils sont épatés sur la tête de Wam. Ils sont épatés sur la tête de Wam. Tête de Wam. Ça démarre en quart de tour, flow, aller retour. Tic tac, tic tac, le temps est tour. Je t'ai dit que ça vaut le détour. Je vais pas passer toute ma vie en bas des tours. Allez hop, j'enchaîne, quand je rappe c'est mortel. Mon ami t'as pas compris, même l'instru est hors d'elle. C'est le 9-4-8-5. Je vais percer soi-disant. Beaucoup trop de gens parlent sur moi, donc t'étonnes pas que sois distant. Oui pote, je compte tout monopoliser. Que ça m'écoute partout de l'école primaire au lycée. Quitte à faire des hits, quitte à faire des tubes. On m'a dit lâche pas parce que tu peux faire des thunes. Il faut pas que tu croises mon kick, je m'insta, c'est sûr. On va pas te rater. Il va devenir pâle du visage. message pour toi bientôt, Aga c'est gâté. Je vais rapidement faire danser ta copine vu que ma musique t'en sorcelle. Mon talent c'est l'équivalent d'un team de malade mental, Marc Dorcel. Sur le terrain je fous le feu comme dit Maria. Je les vois tous paniquer, oh mamma mia. Ne fais pas de promesses, si t'es pas sûr de toi la concurrence est sous le sol. On est sur le toit, derrière moi y'a aucune grosse tête. Je veux avaler le veau, tu me parles de gros steak. Je vais traumatiser tous ces rappeurs. Quand j'ai débité, ils ont ressenti la peur. Poto faut bosser, évidemment faut oser. J'ai creusé un fossé, on va tout exploser. T'es masques j'ai causé, t'es au courant c'est dosé. Si ton passé est sale, on va jamais se poser. Certaines paroles font plus mal que les coups. Il faut faire attention quand ma bouche se découpe. Comment allez-vous faire, c'est mon stylo à dégainer. Le respect c'est mutuel, je m'en fous que t'es mon aîné. Je fais des centaines de milliers de vues, toi personne sait que t'existes. Alors évite de parler si tu veux pas que mon flow t'existe. R.A.M. apostrophe S. Ils sont épatés sur la tête de Wam. Tête de Wam, tête de Wam. Ils sont épatés sur la tête de Wam. Tête de Wam, tête de Wam. Ils sont épatés sur la tête de Wam. Tête de Wam, tête de Wam. Ils sont épatés sur la tête de Wam. Tête de Wam. Planète rap 100% explicit lyrics. Yo, Brulux, yo. What up man, hey. What up man. Brulux on the flux, volume 2. Eh ouais, Brulux on the flux. Yes. Dans la nocturne. Volume 2. Dinguerie. C'est 100% rap français. الهات بينا عصاصة يحبوا يجيبوا أخباري برولوكس ديما شاد البلاصة يا عطا يتعدى ديماري تفي على وجوه النحاسة قالوا طاحت دولاري ما بقاو كان الرقاصة الرب في فرنسا لعبة دراري جمان بالي غان دي سكسي شوي كوتي كوم لي غوا ماج نومرو اونو كارتي كوم واج ما فيك تفي دي نوفراج اوني توس دو باساج بغا بيتو صالون دو ماساج سي توجور ليبوك ديسكلافاج لي بتي اراش لي شين اون اواش واي واي في با دو كونتور سور ما تيتي J'sors mon cabousse, tu vas le téter. Fais fais lambeau, pas entêté. J'dois rien à personne, t'es endetté. J'suis cramé comme un feu rouge ou brûlé comme un drapeau. Le rap français sur la touche, lui ken sa mère pour casser la rime. Oh, t'en as plein les narines. Freestyle en live du parking. T'as sorti qui de la galère, maintenant tu rappes avec des victimes. J'mets des hat-tricks, espèce de mignon. Ma bite si t'as fait le million. Tu creuses, demande à Nabil, nique ton oseille dans le Dom Pérignon. J'suis fâché mais j'me calme. Pas de touche famille j'te calme. Tu signes que des beaux gosses gros. Normal que t'aies du charme. Sur ma budget du gloss. Encore soirée banale. J'écris des textes de timbré. 2015 c'est à moi. La crime va tout vous rafler. Brulux va baiser toutes vos tiagas. J'appelle Moulay et pour la bagarre. Ou sous Rimka et Baboul Barba. J'ai un répertoire un t'as les dixas. J'te l'ai déjà dit dans Benzema. Bas les couilles de vous tous. Faut faire du bif. Nouveau son en Bluetooth. RS6, on se fait chiner par ta miss. Vite teinté, nique la police. Tu peux me croiser sur Marseille comme tu peux me croiser à Zarzis. J'ai mon blast sur Paname, fuck le racisme, monte sur ma banane. Les keufs nous pistent en bécane, on a cramé la bande de Tahan. Chez nous, jamais on sourit. Chez nous, le ciel il est gris. J'ai perdu des êtres chers, pour ça que j'ai maigri. T'as investi dans la sap, pour ça que t'es que les anotis. Investi dans les armes, rafale en Uzi. J'ai toujours pas changé, dans mes clips j'ai pas de gel. C'est pas ça qui m'empêche de baiser la plus belle. J'fume de la peuf, j'plane, j'ai des ailes. J'pense au placard, hibou à deux ailes. FT mon bête de poteau, 4-4 de branché toute la semaine. Prétoire semi-liberté, ville juif fleurit la santé. On fait souffrir nos darons, pour ça qu'on a plus de pitié. Tamponne un keuf face à la télé. Ziyed Bouna Traoré, nos cœurs remplis de haine. Toujours envers les Condés, toujours envers les Condés, toujours envers les Condés. Alors dis-moi frérot, qu'est-ce t'as fait ton oseille? T'as zappé tous tes rails, t'es touché par l'ego. Alors dis-moi frérot, qu'est-ce t'as fait ton oseille? T'as zappé tous tes rails, t'es touché par l'ego. Alors dis-moi frérot, qu'est-ce t'as fait ton oseille? T'as zappé tous tes rails, t'es touché par l'ego. Alors dis-moi frérot, qu'est-ce t'as fait ton oseille? T'as zappé tous tes rails, t'es touché par l'ego. Alors dis-moi frérot. Rap. La nocturne 100% rap français, monsieur Brulux. Dédicace à Kevin à l'écoute, Alexis, John, ça va les gars? Bonne année à vous, le 45. 100% rap français. Ça continue avec Tirgo. Dans la nocturne 100% rap français, Tirgo. Planète rap 100% explicit lyrics. Azou, gang, poteau. Non, j'ai pas leur temps, tonton. Azou, gang, poteau. Non, j'ai pas leur temps. Azou, gang. Calibre chez Char, on arrive dans le rap pour les guélas. Dans le Tchékar, on est méhar. Demande au type, calibre dans le calbar. Calibre dans le calbar, calibre dans le calbar. Tu peux te faire fumer devant ton bar. La ville est bizarre, trop bizarre. Tu peux me checker sans me dire au revoir. On est zère, toi t'es rabat. Allez, rentre ta mère dans ton appart. Que soit à patte ou en abat. Ouais, on gère des meufs, t'inquiète même à. Ils ont l'air bons, demande à Zoutma. Mais eux et nous, c'est pas la même frappe. T'es là, tu jacques, tu peux sur du trap. Mais t'es dossier à l'ancienne, ils te rattrapent. J'suis un phénomène assez rare. Des fois, ça déploie comme au Hezbollah. Dans le Tchékar, que des ex-dollars. Il est temps de creuser les cartes. Bah ouais, ça fait je sais pas combien de temps j'suis là. Ok, quand ça sort le pétard, des fois, y'a des équipes qu'on a hola. Ok, là, ça appellera sous Ginga. Opérationnel dans toutes les lercas. On va tout baiser, demande à Méga. On se frotte les mains quand on les regarde. La plupart, c'est tous des ringards. J'pose un siège, les mets à l'écart. Ils veulent nous rattraper, ces bâtards. Mais ils ont raté le train à la gare. Ouais, démarrage, trop ZRF. Comme le faux d'un 450 CRF. J'ai de la tête, il veut du bénéf. Pour ça, il irait se sauver dans tes rêves. Ok, c'est le H, on se présente. Toute la semaine, j'ai vu des descentes. Demande à Zerkov, le rap c'est nuisant. Les rappeurs ne sont pas intéressants. On est venu faire du mal, ça sera blessant. Chaque embrouille a ses raisons. Viens faire un tour photo dans ma zone. Ça pique grave sous les 4 saisons. Ok, l'arme de guerre à la maison. Les choses sales, nous les faisons. Bébélec à toi, piston. Quand dans la rita, perçoit des transactions. J'en ai eu des visions. Je vais les effacer, pose pas de questions. Que des missions, jamais eu de frisson. Je pète un petit snare après chaque émotion. Ils nous voient venir, ouais, ils ont la pression. Poto, après, ce n'est qu'une impression. Chaque édition, c'est dans l'évolution. Dans le rap, sa mère, c'est la révolution. Aïe, aïe, aïe, on fait que dans la précision et précision. Car la rage sous ta hype direct, qui te mange une session. Qui je m'en bats les couilles de tes confessions. Viens pas faire la guerre, t'as pas de munitions. Ok, c'est la hache sous hache, nous déterre, vénère. Toujours aussi vrai qu'à l'époque, tu terre-terre. Tiergo dans la nocturne, 100% rap français. On va aller faire un tour dans l'est de la France avec Armurie. On va écouter ça maintenant, tranquillement posé, la nocturne 100% rap français. Merci pour les messages balancés 41759 avec le hashtag Skyrock. Ça arrive dans le studio. 100% rap français. 100% explicit. Un tamipel record. Le lion est dans la jungle. El hombre. AMG. Démarre le moteur. T'entends le bruit du bolide. On est gonflé. Argent. Musique, gloire, wesh, y'a que ça de prix ou quoi? Sans pas le vrai, oui. J'ai la dalle comme si je sortais de colle. Une vanne de balle, fusil, épaule. Écoute le bruit, ma zique ronronne. AMG dans les mi façonne. Argent, musique, gloire, gloire. Argent, musique, gloire, gloire. Argent, musique, gloire, gloire. AMG. Mercedes AMG, je vais te sortir une dinguerie. Un vieux singe fait la grimace et tous les singeries. C'est mon tour, laisse passer la carrosserie. Les vrais m'entourent, les autres c'est de la carrosserie. After c'est rouillard, dédicace Bussy le roi. Je suis dans ma paranoïa. Depuis que le rap m'a déçu, l'espoir fait crever. Tu vas passer sous les pneus, le soleil s'est levé. Fils de pute, éteins tes feux. Les vitres sont teintées comme la couleur de peau. Écoute le bruit du GT lancé plein pot. Mais qui veut me couper la route, qui veut tester le pilote. Je suis validé par le hood. Sébastien Loeb, tes rappeurs sont légers. C'est pour ça que ça passe traîne. Le coffre est chargé, je viens de passer la sixième. Ouvre pas le capot, sur ma vie tu vas pas liser. J'ai les chenouches sur le dos, j'ai crié la voiture banalisée. J'ai la dalle comme si je sortais de colle. De cravane, de branle, fusil, épaule. Écoute le bruit, ma zique ronronne. AMG, Dorémy, façonne. Argent, musique, gloire, gloire. Argent, musique, gloire, gloire. Argent, musique, gloire, gloire. AMG. J'ai rien à prouver. Rap game clash. Je sais que si tu pouvais, tu prendrais ma place. J'ai plus le temps de réfléchir. J'accélère et nique sa race. Les jaloux vont pas maigrir. Ils vont fondre comme de la glace. Depuis le départ, sur ma vie, c'est la même. Argent, musique, gloire. Tout ça, c'est que de la merde. Mais on fait les bails. On est là pour prendre les ouf. Demande à Jacques et Daniel. On fait tout même quand on est ouf. Rapport

alors qu'à la base t'as rien demandé. Réussis vont t'en parler comme si tu leur avais mangé. J'peux pas changer les mentalités, même avec mes quatre vérités. J'suis traqué comme un sans-papier, un animal en captivité. Que des dingueries quand j'vois, j'ai jamais pu tourner là. Autant j'préfère foncer dans le mur que demander de m'indiquer la route. Laissez pas aller faire du bœuf, tout le monde sait qu'on les baise, baise. Si je me nourris trop de leur haine, j'aurai de quoi mourir obèse, baisse. Tous ceux qui m'ont vu monter pendant que je les voyais sécher. Si t'es un vrai, j'ai jamais triché. J'suis pas un rappeur, j'encule tes clichés. Parle de moi, t'allais, j'me péchais. Pense que c'est le mot de mes ennemis. Pense que c'est le mot de tous mes ennemis. Pense que c'est le mot de tous mes ennemis. Parce que c'est le mot tous mes ennemis. Parce que c'est le mot tous mes ennemis. Parce que c'est le mot tous mes ennemis. Parce que c'est le mot tous mes ennemis. La nocturne 100% rap français, on va dédicacer Fabirol à l'écoute, Che Guevara, John, Ella et tous les autres qui écoutent, qui envoient des messages, ceux qui sont sur la route, ceux qui sont en bas de chez eux, ceux qui tournent en bagnole, ceux qui sont à la maison posés. C'est le son de la nocturne, la première de l'année 2015. Bonne année à vous tous. Beaucoup de son rap français dans les oreilles. On va basculer en classique. Ouais, vas-y, fais péter. 100% rap français. Nana, c'est trop. Valou, Lamou, Lucie aussi. 100% rap français. Planète rap. La nocturne. Comme à l'époque du clown, l'ange de la mort dans la peau.

All bad boy, enough respect, one. Yeah. Sure. Say, West Indies, we are the best. C'est la fin de la nocturne 100% rap français, première nocturne de l'année 2015, nocturne mouvementée. On aurait pu continuer un peu. Non, c'est bon, on va tirer le store, c'est bon, il y a eu le 31 décembre, tu vois, les gens ont envie de se reposer un petit peu. Oui, mais il y a le 31 décembre, donc il faut se reposer un peu, c'est le week-end qui arrive. Merci aux deux femmes qui étaient là, Merlin. Le mec s'appelle Merlin. L'enchanteur, quoi. Bonne année. L'enchanteur était là, Mistone, Orléans, en force était là. Mehdi était là. Ouais, Mehdi, près de Mistone d'ailleurs, tu veux dire un mot? Eric était dans le coin, les filles étaient là. La nocturne s'est bien passée, j'espère pour vous aussi. Merci à vous tous pour vos messages. C'est fini, prochaine nocturne dans une semaine et lundi, loupez pas Lino d'Arsenic qui débarque. Ce sera entre 20h et 21h, 2h08. Et Fred, il n'y a pas moyen on fasse un ouais pour qu'il y ait un autre son? Non, c'est fini. C'est fini. Passez une bonne nuit. Prochaine nocturne dans une semaine. Ciao. Skyrock, premier sur le rap.